La soif frappe encore le désert. Les lèvres sèchent sous le soleil. Tu fais jaillir l'eau du rocher. Quand l'homme n'attendait que le deuil. Yamalek monte au combat. Les bras de Moïse s'élèvent dans l'air. Et tant que la prière se tient debout, la victoire progresse sur la terre.